il est cité en justice, ses précautions pour s'assurer l'impunité. Après son consulat, les préteurs Gaius Memmius et Lucius Domitius demandèrent qu'on examinât les actes de l'année précédente. César déféra l'affaire au Sénat, qui ne voulut point en connaître. 3 jours s'étant passés en vaines altercations, il partit pour son gouvernement, et aussitôt, afin de constituer à son égard un précédent fâcheux, on traîna son questeur en justice sous plusieurs inculpations, en vue d'une enquête préjudicielle. Lui-même y fut bientôt cité par le tribun du peuple Lucius Antistius, mais grâce à l'intervention du collège des tribuns, il obtint de ne pas être accusé pendant qu'il était absent pour le service de la République. Aussi, pour se mettre désormais à l'abri de pareilles attaques, il eut grand soin de s'attacher par des services les magistrats en charge chaque année, et il se fit une loi de n'aider de son crédit ou de ne laisser parvenir aux honneurs que ceux qui se seraient engagés à le défendre en son absence, condition pour laquelle il n'hésita pas à exiger de certains un serment et même une promesse écrite.